Chadwick. Mais quand on a 19 ans, on peut être une entreprise en pleine croissance. On peut être un acteur important de l'économie sociale de Québec. Quand on a 19 ans, on peut déjà faire partie de l'histoire. Et on peut rêver aux belles années qui s'en viennent. Quand on a 19 ans, on a hâte à l'année prochaine. La Barberie, 19 ans. Bientôt 20. Bonsoir, bonsoir, bienvenue à Terra Incognita en ce beau samedi soir et d'ailleurs en cette belle semaine. La semaine a été magnifique. Oui, ben comme d'habitude, deux bonnes heures de rock progressif et on va commencer ce soir avec une nouveauté qui nous vient d'Angleterre, Dec Burke, c'est Book of Secrets. Troisième disque solo pour M. Burke qu'on a pu entendre avec Thrust et Darwin Radio. Et puis, on a quelques invités aussi au clavier, Carl Westholm de Carpentry et Steve Hughes of Big Big Train. Donc, on amorce avec une petite nouveauté britannique et puis, ben, on va continuer évidemment. Il va y avoir toutes sortes de choses ce soir. Un peu de vieux, j'ai fouillé un peu là, parce que la saison s'y prête. Hein? Il n'y a pas... tout le monde prend congé, même des parutions. Donc, j'ai fouillé un peu pour trouver quelques disques qui n'avaient pas joué depuis fort longtemps. Donc, c'est ça. Ben, écoutez, c'est Terra Incognita avec Michel et Bruno ce soir. Et puis, ben, installez-vous, c'est deux bonnes sœurs.

From Hollywood. Ça nous venait de France. Un nom un peu surprenant, là, Geppetto. Ça fait un peu Pinocchio, mais ben, pas le disque qui a pour titre From Heaven to the Stars, et c'était la pièce Photograph of Stars. Tout juste avant, on avait ça nous venait d'Italie, Marco Ragni, Land of the Blues Echo. Et avant, on avait Ricard, j'ai toujours de la difficulté à prononcer son nom, Joplun, en tout cas, écoutez, S-J-O, ça, je ne sais pas comment on peut prononcer ça, B-L-O-M, tout ça pour vous dire que c'est le leader de Birdfish, et je devrais dire était le leader de Birdfish, puisque le groupe s'est sabordé il y a quelques semaines, malheureusement. En tout cas, on aurait au moins la chance d'y voir dans le cadre de la Convention Terra Incognita il y a quelques années. Je pense que chacun va prendre un chemin différent, mais dans le cas de Ricard, qui a lancé son disque solo The Unbendable Sleep, je pense que c'est pas un secret qu'il va. Je pense qu'il va continuer en solo. Ça, il n'y a aucun doute. Et on avait amorcé avec Deck Burke, qui le disque Book of Secrets qui va paraître le 28 août, sauf erreur. Donc c'est pour bientôt. Là, je vous ris déjà. déjà une demi-heure de passé. Là, j'ai un petit spécial. Bon, les amateurs d'Italie vont vraiment être heureux. C'est une pièce extraite d'un disque très rare de Fabio Juventi, en fait, qui a pour titre Rugine, 1992-2011. Un disque qui a été pressé à 100 exemplaires. Donc, et ça n'a pas fait beaucoup de chemin, ce disque-là. Là, il y a 100 exemplaires. Il n'en reste plus depuis quelques mois facile. Et puis, on va écouter un bon extrait. C'est une pièce qui est apparue seulement sur la version japonaise de l'opéra rock Merlin. Et je pense que il n'y a pas grand monde qui ont entendu la version, le pressage, qui ont pu mettre la main sur le pressage japonais de Merlin. Donc, on va écouter un petit inédit de M. Souventi. Ça s'appelle le Merlin Suit Part 2. Évidemment, la Part 1, on la connaît, mais celle-ci, beaucoup moins. Donc, et puis, voir autre chose, on peut mentionner en passant que Fabio Juventi devrait s'installer en studio. Puis, la dernière nouvelle que j'ai eue, c'est qu'il avait terminé la composition de son prochain disque et puis qu'il s'installe en studio cet automne. Avec cible de potentiel de parution, probablement le mois d'avril 2017. Ce qui n'est pas très loin de la convention, hein, c'est vrai en passant. ceci dit, on ne partira pas de rumeurs tout de suite. Et on y va donc avec Juventi, le temps de vous rappeler que vous écoutez Terra Incognita avec Bruno et Michel. On est avec vous jusqu'à minuit et évidemment, c'est sur les ondes de CKRL 89.1. Cette soirée vous a été présentée par La Barberie. Téléchargez ou réécoutez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous au podcast de l'émission sur iTunes. Cet été, CKRL rallonge tes rêves. Dès 11h30, du lundi au vendredi, CKRL vous présente 2 heures de musique jazz variée en compagnie d'experts aux univers hétéroclites. Le samedi à midi, Michel Gay anime Michel-Ange et Denis Plante vous propose Che Bandoneon le samedi à 14h30. La musique jazz, faites-en votre priorité. Rallonge tes rêves. Faites une place de choix à CKRL dans votre quotidien. Durant la période estivale, CKRL vous propose une panoplie de nouvelles émissions variées. La tension était extrêmement haute. Extrêmement haute. Et justement, ces deux hommes-là, y avaient même été filmés pendant l'incident. Alison Giguère et Gabriel Deslauriers font un abrégé sur l'actualité de la semaine à l'émission En résumé, le vendredi à 17h30. Cet été, CKRL rallonge tes rêves. À CKRL, on est branché sur l'actualité qui vous touche. Ici Dominique Lelièvre. Retrouvez-moi chaque jour en semaine dans l'émission Les Matins éphémères et à 12h30 pour un bulletin d'information complet. Restez informés en temps réel en suivant le compte Twitter de CKRL ou sur notre site web. Vous avez une information à communiquer? Écrivez-nous à info@ckrl.qc.ca. CKRL veut être vos yeux et vos oreilles sur le terrain. Soyez à l'écoute! Les mardis et vendredis soirs, CKRL présente des émissions axées sur la musique soul, funk, blues, garage, metal et le rockabilly. Des musiques à l'image des nuits au bal du lézard. I don't care what the neighbors say, I wanna love you anyway. Le bal du lézard est fier d'encourager la radio d'ici. Lebaldulézard.ca. Baby, you'll come with me, baby, you'll come with me, baby, you'll come with me. Et de retour au terrain incognita. Ce qu'on vient d'entendre, la longue pièce instrumentale, c'était Zouventi, Fabio Zouventi, un extrait d'un disque pas inédit, là, parce que il a quand même été imprimé, mais à 100 copies, 100 exemplaires de Ruggine, 1992-2011. C'était une pièce, en fait, de 18 minutes quelques, une suite à l'Opéra Rock Merlin, qui a été composé spécialement pour l'édition japonaise de Merlin. Aussi surprenant que ça puisse paraître, mais les Japonais sont souvent assez à cheval sur ça. S'ils proposent une réédition, ils veulent absolument avoir du matériel en plus inédit pour susciter encore plus de ventes. Et puis, ben, la plupart du temps, les artistes acceptent cette demande. Évidemment, le marché japonais, c'est quand même assez intéressant quand on se donne la peine de décourtiser. Donc, c'était Merlin, deuxième partie, sur un extrait de Zouventi Ruggine. Et ben, c'est tout. Hein? On avait seulement ça. Mais parlant de Fabio, il y a quelques semaines, deux disques en concert de La Maschera di Cera ont été publiés en Italie. Un à Milan, qui a été enregistré à Milan en 2002. Puis en fait, c'est le tout premier concert du groupe. Et le second en Belgique en 2005. Et on va écouter un extrait de ce second disque qui a pour titre Belgium 2005. Et c'est la pièce Il Grande Labirinto. voglio abbandonarmi a te, voglio rivivere con le mie verità. Cerco. Quello che ho perso ormai, non più nel mondo. Oggi è un nuovo giorno che ancora perderò. Guardo dentro al perimetro una costruzione ormai sfatta dai secoli. Quanta vita cercare un po' più in là. Quali strade sceglieremo? E l'inverno che è già qua. Quali forze perderemo? We'll be right back. poesia mi lancia un poco dove vuole lei, dove il mio corpo più desidera. resto qui, ho visto abbastanza, sai, per non capire che è meglio così. Non dite che ho tradito, se cerco un po' di pace, se penso che l'amore non lascia traccia. Poi il vecchio si voltò, fissando un punto ad est, disse ora tocca a voi varcare l'oscurità. Non ascoltò lacrime e suppliche, mentre il dolore piegava i muscoli. Resto qui, aspetterò. Resto qui, resto qui, resto qui. en début d'émission, je vous avais dit que j'avais fouillé un peu. Et puis, ben, ça, c'est finalement, c'est un des disques que j'ai retenu de mes fouilles cet après-midi. Archéologique. Ça remonte à 1994, le groupe Matt Crayon. Et c'était l'album Ultimo Miraggio. Je pense que c'est un groupe romain qui a pondu un autre disque, je pense, 4 ou 5 ans plus tard. Mon ami Bruno me disait qu'il l'avait, mais que malheureusement, il l'avait perdu. Moi, j'ai un vague souvenir. Enfin, ça fait partie des groupes qui ont à la production assez mince et puis qu'on n'entend plus parler du tout. Donc, Matt Crayon, Ultimo Miraggio. On reste en Italie, tout juste avant. Il y a, en tout cas, une des belles découvertes cette année là, en Italie, Nathan Nebulosa. Vraiment un excellent disque d'un bout à l'autre. Ça sent les années 70. C'est vraiment bon. J'espère qu'ils sont en train de travailler un second parce que c'est un de mes coups de cœur italiens, le Nathan Nebulosa. Il y avait aussi avant Il Paradiso d'Egli Orchi, une petite découverte de Fabio Zuventi, un extrait du disque Il Corpo Nata. Et on avait amorcé avec La Mascara di Cera, un des deux disques en concert qui est paru dernièrement. Celui-ci, c'est le Belgium 2005. Dernière demi-heure, et on va faire un petit tour. Il y en a qui vont penser que c'est on reste en Italie, mais c'est pas le cas. C'est un groupe qui s'appelle The Night Watch, et je pense que ceux qui connaissent The Watch se rappellent que le premier disque a été présenté sous le nom de The Night Watch. Mais il s'agit d'un groupe ontarien qui a repris le nom, donc The Night Watch. Leur premier essai, Boundaries, et c'est une pièce de 36 minutes. On ne l'écoutera pas au complet, mais on va en écouter un bon extrait, donc, pour notre dernière demi-heure. On peut dire pas loin de 10 minutes, là. On va en écouter un tiers, mettons. Non, mais faites-vous en pas, ça paraîtra pas trop, parce que je pense qu'il y avait comme prévu, là, que personne pourrait le diffuser au complet. Donc, ils ont fait comme des passages plus, comment je pourrais dire, qui se prête bien à un mix sans que ça dénature ou que ça casse quelque chose. Donc, on y va avec The Night Watch, un groupe ontarien. Je le précise là, parce qu'il y a beaucoup d'amateurs qui disent Night Watch, oui, avec Simone Rossetti. Non, c'est pas ça. Le disque Boundaries. C'est notre dernière demi-heure. Bruno et Michel, Terra Incognita, CKRL 89.1. So girl, why? Why the long and tired face? All work and haste, your life has a sour taste. We're three floors up with the living room's flickering light. And it is night for real, it's a real. I've got no signs of sleep, and yet the clock is showing 3 a.m. And it's always the same when I feel restless. I wanna split these shifts, divide them into night and day, if that's okay, 'cause I think I've had enough. Thoughts are seldom true, but they're painless. Sigh then cry when nothing really comes out right, and it's without a fight that my steps they feel too light. Outside the sky is a cloudy maze, and the spinning away from red. time we spent, we almost never see each other anymore. It's easy to avoid when there's a scheme to follow, and you seem hollow. Life has sucked the life out of you. Oh dear, are you really here? Musky smells and wedding bells make my teeth. To put my finger on your shoulder, how I want to hold her, and I still love her, though I'm so tired. Oh dear, is death anywhere near? Thank you. Et pour faire le pont avec l'autoroute qui s'en vient, une version de Arnold Lane de Pink Floyd, le vieux Pink Floyd, compo de Steve. Oui, Sid, pas Steve, Sid Barrett. c'est par le groupe Strange Hobby. Mais en fait, écoutez, le disque est paru il y a 20 ans. Sous le nom de Strange Hobby, et finalement, ben, il a été réédité cette année. Et puis l'auteur, le vrai auteur, s'est révélé. C'est Arjun Anthony Lucasson, qui est bien connu pour son groupe Arion. Un disque enregistré entre les deux premiers Arion, pour se faire plaisir, qu'il disait. Et puis, ça a été lancé sans qu'il y ait de mention de sa participation. En fait, c'est lui qui a enregistré tout. Et puis cette année, ben, il réédite 20 ans plus tard, et là, c'est clair, il s'identifie, et ça apparaît sous le nom de Arjun Anthony Lucasson, Strange Hobby, et ça vient de sortir, ou en fait, je pense que ça vient de sortir, c'est très récent. Et puis, et on retrouve une vingtaine d'interprétations de pièces des années 60, ses favorites, qui est dit. Donc, on retrouve des pièces des Beatles, des Rolling Stones, des Ruby Tuesday, Bob Dylan, The Hollies, The Move. Un grand plaisir à écouter, je vous le dis. D'ailleurs, Vincent va vous en passer un petit peu après aussi, parce que ça convient très bien à l'autoroute. Là, Bruno me regarde et me dit que c'est le temps que je vous quitte. Visitez-nous sur terraincognita.québec. Et puis, évidemment, notre page Facebook et... Où est-ce que vous allez pouvoir trouver toute la feuille de route de ce soir? Michel et Bruno, ce soir donc. Revenez-nous la semaine prochaine, même heure, même poste, Terra Incognita. Cette soirée vous a été présentée par La Barberie. Téléchargez ou réécoutez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous au podcast de l'émission sur iTunes. Cet été, CKRL rallonge tes rêves. Dès 11h30, du lundi au vendredi, CKRL vous présente 2 heures de musique jazz variée en compagnie d'experts aux univers hétéroclites. Le samedi à midi, Michel Gay anime Michel-Ange et Denis Plante vous propose Che Bandoneon le samedi à 14h30. La musique jazz, faites-en votre priorité. Rallonge tes rêves.